Au moment où cette scène commence, si la cousine Bette avait voulu se laisser habiller à la mode, si elle s'était, comme les Parisiennes, habituée à porter chaque nouvelle mode, elle eût été présentable et acceptable. Mais elle gardait la raideur d'un bâton. Or, sans grâce, la femme n'existe point à Paris. Ainsi, la chevelure noire, les beaux yeux durs, la rigidité des lignes du visage, la sécheresse calabraise du teint qui faisait de la cousine Bette une figure du Giotto et desquelles une vraie Parisienne eût tiré parti, sa mise étrange surtout, lui donnait une si bizarre apparence que parfois elle ressemblait au singe habillé en femme promené par les petits Savoyards. Comme elle était bien connue dans les maisons unies par les liens de famille où elle vivait, qu'elle restreignait ses évolutions sociales à ce cercle, qu'elle aimait son chez-soi, ses singularités n'étonnaient plus personne et disparaissaient au dehors dans l'immense mouvement parisien de la rue où l'on ne regarde que les jolies femmes. Les rires d'Hortense étaient en ce moment causés par un triomphe remporté sur l'obstination de la cousine Bette. Elle venait de lui surprendre un aveu demandé depuis 3 ans. Quelque dissimulée que soit une vieille fille, il est un sentiment qui lui fera toujours rompre le jeûne de la parole. C'est la vanité. Depuis 3 ans, Hortense, devenue excessivement curieuse en certaines matières, assaillait sa cousine de questions, ou respirait d'ailleurs une innocence parfaite. Elle voulait savoir pourquoi sa cousine ne s'était pas mariée.